Englouti dans l'océan glacial, par Charles Rabaud. L'océan glacial de Sibérie vient d'être le théâtre d'un terrible drame qui constitue un des épisodes les plus poignants de la lutte tragique poursuivie avec tant de ténacité par les marins du monde entier contre les glaces du Nord. Après 3 ans de batailles acharnées livrées sans répit aux banquises, l'explorateur russe de Toll a été englouti avec ses compagnons au nord des îles de la Nouvelle-Sibérie dans les mêmes parages qu'il y a 20 ans furent témoins de l'épouvantable catastrophe de la Jeannette. Les îles de la Nouvelle-Sibérie constituent au nord-est de la Léna un archipel composé de 6 terres principales fort curieuses et présentant le plus haut intérêt. L'une d'elles, l'île Liachov, se fait remarquer par cette particularité singulière d'être composée en partie par une couche de glace épaisse de 15 à 20 mètres. Sur cette terre étrange, la glace a pris là la place du sol. On sait qu'à une époque géologique antérieure, très voisine de la nôtre, d'énormes glaciers ont recouvert une très grande étendue de notre hémisphère. Pendant cette période extraordinaire, le nord et le centre de la Russie, avec la péninsule scandinave, étaient enfouis sous une puissante calotte cristalline et nos régions les plus fertiles étaient envahies par de puissants glaciers pareils à ceux qui occupent aujourd'hui le Spitzberg. Dans nos pays, cette colossale extension des glaces n'a laissé que des témoins muets de son passage, ces monceaux de blocs et de cailloux charriés par le lent mouvement d'écoulement des glaciers, et que les géologues désignent sous le nom de moraines. Dans les régions polaires, non seulement les glaciers ont gardé une très grande étendue, mais encore, à côté des glaciers vivants, pourrait-on dire, il existe des amas souvent considérables de glaces fossiles, c'est-à-dire de glaces datant des âges géologiques passés, et qui a été préservé de la fusion pendant des millions d'années par la persistance des basses températures. Tel est le cas à l'île Liachov. De plus, par-dessous les couches de glace fossile que renforme cette île, s'étend une couche protectrice de sable et d'argile renfermant à côté de débris végétaux d'énormes quantités d'ossements de mammouths et autres animaux aujourd'hui disparus. Le mammouth était, comme on sait, pourvu d'énormes défenses. Leur développement atteignait parfois 7 mètres et leur poids de 100 kg. Dans tout le nord de la Sibérie, où les restes de ce gigantesque quadrupède sont très abondants, la recherche de ces défenses qui fournissent de superbes ivoires constitue une des principales richesses du pays et une source de profit pour les indigènes. Aussi bien depuis longtemps, toujours en quête des précieux ossements, les trappeurs ont-ils l'habitude de franchir en hiver sur la glace le bras de mer qui sépare du continent les îles de la Nouvelle-Sibérie, pour aller faire sur ces terres d'importantes récoltes d'ivoire. Au début du XIXe siècle, de l'île Kotelnoï, un de ses aventuriers aperçut ou crut apercevoir, vers le nord-ouest, une seconde île inconnue qu'il ne put atteindre. Pour découvrir cette terre mystérieuse et parcourir la côte septentrionale de l'Asie demeurée jusqu'ici presque inexplorée, le baron de Toll quittait Saint-Pétersbourg le 21 juin 1900 à bord du navire le Saria. Dans les premiers jours d'août, il pénétrait dans la mer de Kara et commençait une longue et périlleuse navigation le long de la côte de Sibérie. La glace, partout très compacte, obligea l'expédition à de longs et fréquents arrêts, tant et si bien qu'à la fin de septembre, elle était condamnée à l'hivernage sur la côte nord de la presqu'île de Taïmour, par-delà l'embouchure de l'Yénisséi. Au printemps 1901, de nombreuses expéditions en traîneau furent entreprises sur la côte voisine et aboutirent à d'importantes découvertes dans cette région dont la figure sur les cartes est complètement arbitraire. L'été arrive, la nappe de glace qui retient le Saria demeure toujours immobile. Les mois s'écoulent toujours, point de changement. Serait-on condamné à un second hivernage sans avoir pu bouger? Le 25 août enfin, une fraîche brise d'est se lève. Bientôt, sous la poussée du vent et de la mer, commence la dislocation si impatiemment attendue, et après une lutte acharnée contre la banquise en convulsion, les vaillants explorateurs parviennent à sortir de l'étau glacé qui les enserre depuis 11 mois. Mais ils ne sont pas au bout de leurs épreuves. À peine le Saria a-t-il pris la mer qu'une nouvelle banquise impénétrable lui barre la route. Avec la ténacité qui est le trait fondamental de leur caractère, les Russes ne perdent pas pour cela courage. il recommence la bataille et de tous côtés attaque la glace de l'étrave du navire. 5 jours d'efforts et la barrière cède, et l'expédition met le cap sur Tchelyouskine. Le 1er septembre, ce promontoire fameux, la pointe suprême de l'ancien continent vers le nord, est doublé, et à travers une mer libre, de Tol se dirige vers les îles de la Nouvelle-Sibérie, vers lesquelles il est en route depuis plus d'un an. L'11 septembre, les Russes arrivaient devant l'île Bennett, une effroyable solitude perdue dans le désert glacé de l'océan Arctique, découverte par l'infortunée expédition de la Jeannette et qui n'avait jamais été explorée. Là, une nouvelle déception attendait les explorateurs. L'île est en vue, elle est toute proche et impossible de débarquer. Une banquise impénétrable en interdit l'accès. On est à la mi-septembre. À cette latitude, c'est déjà l'hiver. La mer se couvre d'une bouillie glaciaire, annonce d'une prochaine prise des eaux. En toute hâte, il faut se mettre à la recherche d'un abri. Et le 16, l'expédition venait mouiller dans une baie de l'île Kotelnoï située plus au sud. Un second hivernage est nécessaire. Cette fois, il fut beaucoup moins pénible que l'année précédente, grâce à la présence sur la côte d'énormes monceaux de bois flotté. Les fleuves de Sibérie traversent, comme on sait, d'immenses régions forestières, et dans ce parcours des racines d'énormes quantités d'arbres, qu'ils rejettent finalement dans l'océan glacial. Entraînés par les courants marins, ces bois sont ensuite dispersés sur les terres polaires, où ils suppléent à l'absence de toute végétation arborescente. Sur les côtes de l'île de Kotelnoï, située à proximité de la Léna et de la Yana, qui sont de grands charrieurs d'arbres, ces épaves sont extraordinairement abondantes. Et elles fournirent à l'expédition russe non seulement le combustible pour combattre les froids terribles de cette région particulièrement froide, mais encore des matériaux pour la construction de huttes relativement confortables. Le 1er mai 1902, les explorateurs se remirent en campagne pour poursuivre leurs découvertes, accompagnés de l'astronome de la mission, le docteur Seberg, et de 2 chasseurs yakoutes avec plusieurs traîneaux à chiens, de Tol s'achemine vers l'île Bennett. Il est convenu que dès que la débâcle se produira, le navire ira rembarquer le détachement parti en éclaireur. Ce plan parfaitement conçu et très judicieux fut hélas bouleversé par l'état des glaces. Pendant l'été 1902, la banquise demeura autour des îles de la Nouvelle-Sibérie aussi compacte qu'elle l'avait été l'année précédente sur la côte de Sibérie. Pendant plus d'un mois, le Saria fonça contre les glaces. Toujours et partout, les efforts de l'équipage demeurèrent inutiles. On ne put atteindre ni l'île de la Nouvelle-Sibérie, ni l'île Bennett. De plus, la provision de charbon tirait à sa fin. Dans ces conditions, la retraite s'imposait, et le 1er septembre, le Saria allait prendre ses quartiers d'hiver à l'embouchure de la Léna. De Tol et ses compagnons étaient abandonnés à leur malheureux sort, sur ces îles désolées, exposées à toutes les rigueurs de l'hiver arctique, sans grands approvisionnements. L'hiver 1902-1903 s'écoula sans que l'on vît revenir, comme on l'avait espéré, les vaillants pionniers. Et à la fin de février 1903, une expédition conduite par l'ingénieur Bruchneff traversait sur la banquise le bras de mer qui sépare du continent l'archipel de la Nouvelle-Sibérie pour se mettre à la recherche de De Tol. Pendant 5 mois, toutes les îles sont soigneusement visitées, nulle part aucune trace des voyageurs. En août, Bruchneff est rejoint par un officier du Saria, le lieutenant Kolchak, qui amène un canot afin de poursuivre les investigations pendant l'été à travers la mer libre. Sur cette frêle embarcation, ce hardi marin n'hésite pas à franchir le bras de mer large de 140 km qui s'étend entre la Nouvelle-Sibérie et l'île Bennett. À peine débarqué, Kolchak a la chance d'apercevoir un monticule en pierre sèche, évidemment une cache laissée par De Tol. En hâte, on écarte les blocs, dans l'espérance de découvrir la clé du mystère oppressant. En effet, bientôt une boîte en zinc apparaît. Tremblant d'émotion, Kolchak l'ouvre. Elle renferme un document de la main de De Tol, mais combien triste et décourageant. Il est daté du 8 novembre 1902, par conséquent vieux de 9 mois. Dans cette pièce, le chef de l'expédition russe, après avoir fait connaître le résultat de ses recherches, annonce qu'il bat en retraite vers le sud, n'ayant plus de vivres que pour une 20aine de jours. Sur l'île de la Nouvelle-Sibérie, située au sud de Bennett, aucune trace de la caravane n'a été relevée. Il est donc probable que les voyageurs ont péri dans la traversée du détroit séparant ces deux îles. Suivant toute vraisemblance, un ouragan aura assailli la petite troupe. Sous le souffle puissant de la tempête, la banquise encore mal affermie se sera ouverte. Les héroïques pionniers de la science auront été engloutis dans le froid océan tumultueux, enveloppés dans un linceul d'écume glacée. L'Arctique a fait 4 nouvelles victimes, 2 savants distingués et 2 humbles chasseurs sibériens qui n'avaient pas hésité à se joindre à leur chef dans cette dramatique expédition. Redoutant quelques catastrophes, De Tolle avait pris soin de joindre à sa lettre un rapport sur ses opérations en cours de son aventureuse entreprise. En tous sens, les vaillants explorateurs avaient parcouru l'île Bennett et relevé soigneusement ses contours et sa constitution géologique. D'aucune part, ils n'avaient aperçu la prétendue île Sannikov. Cette terre doit donc être rayée des cartes jusqu'à nouvel ordre. Le voile mystérieux qui enveloppait les îles de la Nouvelle-Sibérie est maintenant dissipé, mais combien lourde est la rançon de cette dernière conquête de la géographie dans le domaine du froid éternel. Ainsi s'achève, englouti dans l'océan glacial, par Charles Rabot.